الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الحمد لله على ما من به علينا من ذهاب هذا الوباء وانحصاره، والفضل في ذلك كله لله وحده لا شريك له. نحمده سبحانه وتعالى على جميع نعمه ونستغفره، فهو المستحق لخالص الشكر والثناء. لونجا الله سبحانه وتعالى qui nous a comblé d'avoir dissipé ces pandémies, ces épreuves, et de l'avoir arrêté, et toute la grâce et tout le bien reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Il est le seul et l'unique qui a dissipé tout cela. Nous le louons subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces et pour tous ses bienfaits avec lesquels il nous comble. Et nous l'implorons, et nous implorons son pardon subhanahu wa ta'ala. Car il est le seul et l'unique qui mérite la reconnaissance, qui mérite les éloges, qui mérite la louange, qui mérite la reconnaissance et le remerciement. Fashukru ibadallah. Qaidu al-ni'am. Al-ni'amu tuqayyadu bil-shukr. Fa'idha shukirat al-ni'am, barakallahu fiha. Wa'idha humidallahu alayha, azuma al-intifa'u biha. Wa mata kufirat al-ni'am, زالت وربما نزلت العقوبات الآجلة قبل العاجلة. فالشكر إخوة الإسلام وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل، هو الذي يجعل النعمة تدوم، وهو الذي يبارك في النعم، وهو الذي يزيدها، وكفران النعمة مؤذن بزوالها ومؤذن كذلك بالعقوبة إن لم نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونستغفر. Le fait d'être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala, cela c'est le point pour maîtriser et pour garder les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on est reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les augmente, il les bénisse. Et quand on loue Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, ben là, on va en profiter encore plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera encore plus. Et quand on est ingrat, et qu'on ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont disparaître. Et peut-être arrivera derrière le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans ce bas monde et dans le delà. Qala subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فتأمل قول الله عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم، أي إن حققتم التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء ثواب الله واجتناب ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة عقاب الله زادت النعم. وإن كان كفران النعمة فعذاب الله سبحانه وتعالى شديد. فلنحذر إخوة الإسلام. الله سبحانه وتعالى إيكم ديت ce qui est dans cette traduction approximative du sens du verset. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, j'accroîtrai mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Si vous êtes reconnaissant, la reconnaissance s'accomplit par le fait d'accomplir ta foi. Mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à ce qui est dicté dans le livre et dans la sunna, en espérant les récompenses d'Allah, et on s'abstient de ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, conformément au livre et à la sunna, en ayant peur du châtiment d'Allah azza wa jalla. C'est ainsi qu'on arrive à accomplir le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala et la reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on agit ainsi, ben les bienfaits augmentent. Et si c'est le contraire, si on est ingrat vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est terrible et il est douloureux. فهذا الوباء وهذا البلاء الذي مر بالعالم كله فمات فيه من مات ومرض فيه من مرض وعافاه الله بعد ذلك يبين لنا ضعف الإنسان وعجزه وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى وفقره إلى الله سبحانه وتعالى وربنا يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد هذه آية من آيات الله هذا الذي مر بنا آية من آيات الله يبين لك أنك ضعيف يا عبد الله وأنك محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل دقيقة وفي كل لحظة من حياتك إن لم يحفظك الله فلا حافظ لك إن لم يسترك الله ويحييك الله فلا غني لك فالنافع هو الله والضار هو الله والحافظ سبحانه وتعالى هو الله والشافي هو الله سبحانه وتعالى. Et donc, cette pandémie et ces épreuves que le monde a connues ces dernières années, ces deux dernières années qui viennent de passer, durant lesquelles beaucoup de personnes sont mortes, d'autres personnes sont tombées malades, Allah subhanahu wa ta'ala les a guéris. Tout cela nous montre et nous clarifie sur la situation de faiblesse et d'incapacité dans laquelle se trouve l'être humain. Sans Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut rien faire. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne le lève pas, il n'arrivera rien du tout. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne comble pas, de la fortune il ne l'aura pas, de la santé il ne l'aura pas, de la réussite il ne l'aura pas. Tout vient min Allah azza wa jalla. La maladie, la santé, le bien, tout vient min Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, il dit « Aux gens, c'est vous qui avez besoin d'Allah. Seul Allah se suffit à lui-même et il est le digne de louange. Cela nous montre que nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout instant et que nous devons revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et mettre en application ce qu'il veut de nous subhanahu wa ta'ala. فنحن محتاجون إلى الله وضعفاء وعبادتنا وأداء حقوق ربنا هذه تنفعنا في دنيانا وفي أخرانا. Le fait d'accomplir les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'accomplir ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala, ceci c'est dans notre intérêt. Ceci c'est pour nous, pour avoir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde et dans l'au-delà. Wa hadihi al-mihna allati marrat bil insaniyati jam'a tubayyin lil 'abdi alladhi 'indahu iman ويقوي إيمانه ويطيع ربه أنه لا ملجأ له ولا ملجأ لأي عبد من عباد الله إلا إلى الله عز وجل قال سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله كل شيء تخافه تفر منه خوفك من الله رجاؤك في الله خوفك منه يجعلك تفر إليه ولا تفر منه سبحانه وتعالى لأنه لا مفر لك من الله سبحانه وتعالى أبدا ففروا إلى الله أي ارجعوا إلى الله توبوا إلى الله واستغفروا ربكم وأطيعوه وحققوا ما أوجب عليكم والله سبحانه وتعالى cette épreuve que l'humanité a subi nous prouve que tout un chacun qui doué nos raisons et que tout croyant qui a la foi c'est qu'il n'a d'autre refuge qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que personne ne peut rien pour lui. Quand on a peur de quelque chose, on se sauve de la chose. Mais ici, c'est le contraire. Quand on a peur d'Allah, on se sauve vers Allah. On revient vers Allah. Comme il est dit dans la traduction aproximative du sens du verset, fuyez donc vers Allah. Je suis pour vous, de sa part, un avertisseur manifeste. On a peur de quelque chose, on la fuit. Mais quand on a espoir en Allah, et quand on a peur du châtiment d'Allah, azzawajal, on fuit vers Allah, subhanahu wa ta'ala, par le fait d'accomplir ce qu'il nous a ordonné, subhanahu wa ta'ala, et par le fait de suivre son messager, alayhi salatu wassalam, et par le fait de s'acquitter des devoirs qu'il nous a fait obligatoires. وكل هذا إخوة الإسلام يوجب علينا أن نزداد يقينا أن الأمر كله لله والفرج بيد الله وإنا لله وإنا إليه راجعون فلا راد لقضائه سبحانه وتعالى ولا معقب لحكمه كل هذا يوجب علينا أن يزداد يقيننا في الله سبحانه وتعالى وأن الفرج يأتي من الله سبحانه وتعالى ونحن عباد لله وإليه سنرجع إليه الرجوع سبحانه وتعالى ونحن محكومون بحكم الله عز وجل وبقضائه وقدره فلا راد لحكمه سبحانه وتعالى ولا راد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى إن توسى أبلغ دنو خير الله سبحانه وتعالى كي أبلغ فوقتورنو d'avoir encore plus de certitude sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui délivre de toutes les impasses. C'est le seul qui donne l'issue à toute difficulté, subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes Allah, et nous allons revenir vers Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, que notre vie doit être gérée par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que demain on va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre les comptes. Personne ne peut repousser le destin d'Allah. Personne n'a le droit de juger ou de commenter ou de critiquer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال subhanahu wa ta'ala وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تأمل وإن يمسسك الله بضر لا كاشف لهذا الضر الذي أراده الله لك إلا هو سبحانه وتعالى وإذا أراد لك خيرا فلن ينزعه عنك أحد أبدا الخير الذي أراده الله لك سيأتيك والضر الذي أراده الله لك سيصيبك لا محالة وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. Et dans la traduction approximative du sens du verset ici, il est dit, si Allah t'afflige d'un mal, nul autre que lui ne serait-on délivré. Et s'il te veut un bien, nul autre ne peut le repousser grâce, ne peut repousser sa grâce, subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut repousser la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il en gratifie qui il veut, subhanahu wa ta'ala, parmi ses serviteurs. C'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Cela t'apprend quoi? Cela, ce verset, il s'adresse à nous qu'on doit avoir la certitude qu'aucun mal ne peut nous arriver si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas destiné. Et qu'on ne pourra pas avoir un bien, ni que quelqu'un puisse nous prodiguer un bien, que si Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a destiné. Abadan, que les jeunes et les humains de la terre se réunissent tous pour te faire un mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas pour toi, ben tu ne l'auras pas. Et s'ils se réunissent tous pour te combler d'un bien, bien si Allah subhanahu wa ta'ala ne te l'a pas destiné, ben tu ne l'auras pas. فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ أَن نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ التَّوَكُّلِ فِي كُلِّ أُمُورِنَا فَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلِ هذا الواجب علينا أن يكون توكلنا على الله حقيقيا وأن يكون كاملا في جميع أمورنا فهو حسبنا ونعم الوكيل. من الله سبحانه وتعالى il est de notre devoir de placer toute notre confiance en Allah سبحانه وتعالى et notre confiance complète doit être en Allah سبحانه وتعالى car Allah سبحانه وتعالى nous suffit. عباد الله، فالواجب أن نراجع أنفسنا ونحاسبها على تقصيرها في حق الله عز وجل. واجب علينا أن نقف مع أنفسنا وأن نحاسبها في تقصيرنا في واجباتنا تجاه الله عز وجل، تجاه دين الله عز وجل، تجاه أولادنا، تجاه بناتنا، تجاه أزواجنا، تجاه المجتمع الذي نعيش فيه. Il est de notre devoir, frère Allah subhanahu wa ta'ala, de s'arrêter avec soi-même et de faire les comptes. Et de faire les comptes de soi-même, de voir notre négligence, où ça va nous amener. Voir notre négligence vis-à-vis des droits d'Allah, vis-à-vis de nos devoirs, vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de ceux qui nous emploient, vis-à-vis de la société dans laquelle on vit. Il est obligatoire pour nous de faire les comptes avant nous, hein, qu'on fasse les comptes avec nous-mêmes pour remédier à nos problèmes. La buddhan yaqif al-insanu ma'a nafsi. Likay yujbir al-khalal alladhi 'indahu wa at-taqsir alladhi waqa'a fihi. Kam jalabat 'alayna ad-dunub wal-ma'asi min al-'uqubat. Kam jalabat 'alayna tark salat al-jama'ati fi al-masajid min al-'uqubat. Kam jalabat 'alayna al-ma'asi. Wa kam jalabat وكم أتانا بها من الابتلاءات والعقوبات ومرت علي يجب على الإنسان أن يكون عاقلا سنتين وعباد الله محرومون من الحج ومن العمرة ومن المشاهد فواجب علينا أن نراجع أنفسنا وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نؤوب إليه سبحانه وتعالى توبة نصوحا لأنه سبحانه يقول وما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لأن الله سبحانه وتعالى combien les péchés nous ont privés de châtiment et des preuves. Combien le fait de délaisser les mosquées d'Allah عز وجل et de ne pas venir y accomplir les prières en commun nous ont privés des preuves et de pandémies et de maladies. Il faut méditer la situation. Pendant 2 années, à cause de nos fautes, à cause de nos désobéissances à Allah, car le verset il est clair, dans sa traduction approximative du sens du verset, tout ce qui vous arrive, c'est vous en êtes le responsable. C'est ce que vous avez fait comme œuvre. C'est elles qui ont prévalu les catastrophes que vous avez subies. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Regardez, comme il dit, et que le temps ne passe pas comme ça. 2 ans, les mosquées étaient fermées. Personne ne pouvait aller à l'Umrah, sauf certains, ni à l'Hajj, ni à tout ça. Donc nous devons revoir notre manuscrit, qu'est-ce que nous y avons fait. Qu'est-ce que nous avons fait. Et nous devons faire notre check-in, moi, nous-mêmes, tant qu'on est vivant. Et donc implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et faire un repentir sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله كم نهو علينا من نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين عباد الله إذا فعل العباد إذا رجع العباد إلى الله سبحانه وتعالى واستغفروه وأنابوا إليه وحققوا التقوى والطاعة والإحسان فتح الله عليهم الخير كله في الدنيا وفي الآخرة والآخرة خير وأبقى إذا رجع الناس إلى ربهم وأطاعوه وأحسنوا العبادة لله سبحانه وتعالى وأخلصوها لله واتبعوا في ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام فتح الله سبحانه وتعالى عليهم بركات السماوات وبركات الأرض خير الدنيا وخير الآخرة أبقى. لأن الله سبحانه وتعالى كنت يسمي الله سبحانه وتعالى غمية بالله. يسوغبون دابو بوتير سانسير. accomplissent l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans la sincérité et dans le suivi du messager alayhi salatu salam, et en faisant les choses comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre les portes du bien du ciel et de la terre. Il les comble les biens de la terre et du ciel, subhanahu wa ta'ala. Et le grand bienfait, la grâce dans le delà est encore meilleure et plus éternelle que celle de ce bas monde. قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون تأمل قول الله عز وجل ولو أن أهل القرى أي أهل المدن وأهل البوادي أهل الأرض آمنوا واتقوا إيمان وتقوى أي إيمان مصحوب بأعمال ولا تكن من الغافلين من الخاسرين الذي يقول لك الإيمان في القلب نعم الإيمان في القلب لكن لا بد أن يظهر على الجوارح لا بد أن يظهر هذا على لسانك ويظهر على جوارحك الإنسان لا يصلي لله ولا يحضر جماعة ولا شيء من هذا القبيل ويقول لك الإيمان في القلب هذا مخذول هذا مخذول ومغبون في حياته الإيمان لابد أن يصدقه العمل لهذا قال سبحانه وتعالى آمنوا واتقوا تقوى ما هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي هي أعمال ماذا يقول له لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون جاء العمل الصالح الإيمان المصحوب بالعمل الصالح كانت البركات من السماء والأرض قال الله سبحانه وتعالى يكون تيسو برسي Dans la traduction approximative du sens du verset, me dit cela. Si les habitants des cités avaient cru et préservé les droits d'Allah, nous aurions répandu sur eux les bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont renié et nous les avons saisis pour prix de leurs méfaits. Les habitants des cités sont-ils à l'abri de voir notre châtiment s'abattre sur eux de nuit alors qu'ils dorment? Les habitants des cités sont-ils à l'abri de voir notre châtiment s'abattre sur eux du jour alors qu'ils s'amusent, se croient-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls ceux qui courent à leur perte se croient à l'abri du stratagème d'Allah. Remarque avec moi, Al-Islam. Le Coran est descendu pour que tu le médites, pour que tu le comprennes. Il s'adresse à toi, il s'adresse à tout musulman jusqu'à la fin à la fin des temps. Le début du verset commence comme ça. Si les habitants des cités avaient cru et préservé le droit d'Allah, ça veut dire une foi authentique, accompagnée d'une bonne œuvre. Et fais très attention à ceux qui sont, ils ont une maladie mentale, qui te disent la foi c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. Mais ce qu'il y a dans le cœur doit apparaître sur tes membres, doit apparaître sur tes actes, doit apparaître sur ta langue. La personne ne prie pas, ne vient jamais à la prière en commun, n'accomplit pas Salat al-Jumu'ah, etc. Et il médise tout le temps, et il est au bord de la route dans le café, et il te dit la foi est dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Hada, c'est quelqu'un qui a fait faillite dans sa vie. Il a fait une grande faillite s'il ne revient pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment une foi qui est dans le cœur doit se concrétiser et se voir sur les membres? La langue, et ainsi de suite, se prosterner pour Allah, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, donner l'aumône, et ainsi de suite, jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Et dans le Coran, tu méditeras que chaque fois qu'il y a la foi qui est citée, il y a tout de suite la bonne œuvre, et pas n'importe quelle œuvre. Une bonne œuvre, la bonne œuvre, l'œuvre ne peut être bonne que s'il est dans la sincérité et dans le suivi. Qu'on se détrompe, l'islam. فأهل القرى والبلدان إن أطاعت ربها الرحمن الرحيم فتح الله عليها وبارك لها في معيشتها وفي رزقها ويسر لها طرق الخير وأبواب الإحسان فيعيشون بأمن وأمان. أهل القرى أهل المدن في مشارق الأرض ومغاربين هم أطاعوا الله سبحانه وتعالى وحققوا تقوى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يبارك في رزقهم ويبارك في معيشتهم وييسر لهم طرق الخير ويوفقهم إليها ويكون ويعيشون عيشة هنيئة في أمان واستقرار. أن الله سبحانه وتعالى les gens des cités à travers le monde à l'est et à l'ouest s'ils obéissent à leur souverain سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى leur ouvrira les portes du bien de tous les côtés et de là où ils ne l'attendent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala vinira, il mettra le bien dans leur vie, dans leur subsistance. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur facilitera les chemins du bien et le chemin de la bienfaisance. Et ils vont vivre une vie stable, une vie de sécurité, une vie de quiétude. Mais tout cela dépend de la foi et dépend des bonnes œuvres. وإذا كفر أهل البلاد ظهر فيهم الفسوق والعصيان وانتشرت الفواحش والربا والزنا والغناء والغناء والاختلاط والتبرج وترك الجماعات وهجران المساجد فإن هذا من أسباب الخذلان ووقوع غضب الجبار سبحانه وتعالى ونزول البلاء والأمراض على العباد. أما إذا أهل البلاد تركوا أوامر الله وعصوا ربهم انتشر فيهم كل هذا. أنتم ترون الربا كيف هو منتشر فيما بيننا، وانظروا إلى الزنا كيف هو، والاختلاط والتبرج وما إلى ذلك، وهجران المساجد وسماع الأغاني. تأمل، ألا نخشى عقاب الله؟ ألا نتقي الله عز وجل ونتوب إلى الله؟ Que Allah subhanahu wa ta'ala est comme un taux les gens de cité, à travers le monde, sont dans la débauche, dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces cas-là, va se propager au milieu de toute forme de turpitude. Il se propagea autour d'eux les usures, les intérêts. Regardez les transactions qui se font chez beaucoup. Et l'adultère sera propagé, ainsi que la musique, ainsi que la mixité et l'exhibition, et ainsi de suite. Et quand on délaisse aussi les prières en commun, tout ceci, ce sont des moyens de faiblesse. Et ce sont des moyens qui prodiguent à l'humanité la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Et qui prodiguent toute forme d'épreuve, toute forme de pandémie. ولنا فيما مر بنا من أمرار وفيما يقع فينا الآن من غلاء الأسعار في مشارق الأرض ومغاربها عبرة نتعظ بها ونرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى تائبين منيبين إليه، وأن نجتهد في التخلص من الذنوب والعصيان، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بالتوبة والاستغفار. لنا عبرة في هذا الذي مر بنا، ولنا عبرة في هذه الآن وهذه الأسعار التي ترتفع كل يوم. فهذا بذنوب العباد، وهذا درس لنا يجب أن نتعظ به وأن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى منيبين إليه، وأن نجتهد في التخلص من الشهوات ومن المعاصي ومن الذنوب ومن الذنوب. فأي بلاء نزل ما هو إلا بذنب، وما يرفع إلا بالتوبة والاستغفار. فإن الله سبحانه وتعالى nous avons à prendre la leçon de ces deux dernières années de maladie de pandémie que nous avons subi. Et nous avons à prendre la leçon de ce que nous subissons maintenant comme l'augmentation des prix, les prix qui ne cessent de s'enflammer, et les prix qui ne cessent d'augmenter chaque jour, chaque semaine. tout, dans tout ça, nous avons une leçon à retenir. C'est une exhortation qui nous vient de Allah Azza wa Jal. Rahla, l'augmentation des prix, il dépend de nos péchés. Il dépend de notre désobéissance et de notre manquement à nos devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on manquement vis-à-vis des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de tous les autres droits. C'est pour ça, il est pour nous de revoir la situation, de revenir repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on doit faire des efforts pour se débarrasser de nos péchés, de nos lacunes, de nos tentations. Toute épreuve qui arrive, c'est par les péchés. Toutes ces grandes maladies, tout ce que nous subissons comme catastrophe, c'est par les péchés. Ils ne sont dissipés que par le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'implorer son pardon. Al-istighfar, ibadallah, majlabatul lil khayr, al-midrar, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursili s-sama'a alaykum midrara, wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. L'istighfar ya'ti bi kulli khayr. كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة نوح فقلت يقول نوح عليه الصلاة والسلام لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا le fait d'implorer le pardon d'Allah سبحانه وتعالى c'est la porte de tout le bien c'est quelque chose qui prédit beaucoup de bien. Écoutez ce que dit Nuh alayhi salatu wa salam à son peuple dans cette traduction approximative du sens du verset. Je leur ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est celui qui ne cesse de pardonner. Ainsi il vous enverra des pluies abondantes, accroîtra vos biens et vos enfants, et vous accordera les jardins et les rivières. L'imploration du pardon est quelque chose d'énorme, qui ramène beaucoup de biens et qui fait augmenter les biens de la personne. Grâce à Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, bi asma'i al-husna, wa sifati al-ula, j'anna wa iyakum, min al-mustaghfirin, wa min al-tawwabin ila Allah, wa an yarzuqana wa iyakum tawbatan nasuha, wa j'anna wa iyakum min al-munibin ilayh, inna huwa liyudhalika wa al-qadiru alayh. Saluhu subhanahu wa ta'ala, an yarzuqana wa iyakum al-fiqha fi al-deen, saluhu subhanahu wa ta'ala, أن يشافي مرضى المسلمين ويعافي مبتلى المسلمين ويغفر لأموات المسلمين سألوه سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يحب ويرضاه وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين سألوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من الحق ويجمعنا وإياكم على الحق وبالحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.